Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Carrie sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi de cette troisième soirée, le troisième Planet Rap avec Caris qui est là. On s'approche mine de rien de la sortie de Double Fuck. Ouais, tout doucement. C'est vendredi. C'est imminent. C'est imminent. Comment ça va, Caris? Ça va très très très bien. En pleine forme. Ouais, on est là. C'est le thérapie qui est là aussi. Beaucoup de monde ce soir qu'on va présenter dans un instant. Ouais, ce soir, il y a du monde ce soir. Ah, il y a du monde. Il y aura donc peut-être du live aussi ce soir dans l'émission. Il y aura un gros live d'un gros titre là. Qui a fait du bruit là. C'est la base. C'est la base. J'ai envie de dire. Les barbares sont là, triangle d'or. Et bon, on va les saluer dans un instant sur Skyrock. Ouais, je le disais, on est à deux jours maintenant de la sortie. Je rappelle que quand on précommande le Double Fuck, on est déjà gâté, j'ai envie de dire. Déjà. D'entrée de jeu, on est gâté, puisqu'il y a Sinaloa. En premier titre, ça commence bien. Qui est dispo. Il y a terrain. Ouais. Et c'est la base aussi. C'est la base aussi. Aussi, donc on peut aller télécharger dès maintenant. Vous récupérez ces trois sons avant la sortie vendredi. Ce soir, on va s'écouter de vos titres. Ah ben, lesquels par exemple? Tu sais déjà? Je sais pas, mais je suis pressé de. Ouais, on va mettre. Audemars, non? Petit vélo. Audemars, il y a Petit Vélo. Petit Vélo. Petit Vélo. Ouais. Voilà, comme exclu encore. Eh ben, très bien, des grosses exclus encore ce soir. À pas louper avec Caris. Ça va, t'es détendu? T'es bien avant la sortie là? Ouais, je suis bien. En même temps, j'ai pas l'impression que t'es un mec très stressé, toi, Caris. C'est pas. J'ai des petits coups de speed des fois. Mais généralement, des petites montées parfois. C'est des choses qui peuvent arriver, des petites montées de double fuck. On a tous connu ça. Hein. Tu connais ou pas? On connaît. Mais là, c'est vrai que je te sens bien, détendu. Non, je suis bien parce que. Serein. Je sais que le produit est bon. Je sais que le produit est bon et je sais que ceux qui m'écoutent le savent. Et puis, t'as aussi beaucoup de messages qui arrivent. Donc, continue à balancer avec le hashtag, c'est Caris sur Skyrock si vous avez des questions. Le portable aussi, c'est le 06 71 74 84 15 pour joindre Caris. On va récupérer le portable. Je ne vois pas sur la table où est-il passé. On va le retrouver dans un instant, ce portable. Amenez-moi mon portable. 06 71 74 84 15. Et on débute avec Terrain, on y va? Pendant direct. Que tu sirotes une petite direct. Chicha électronique. Chicha ou qui électronique? C'est du lourd. Eh ben mets-toi bien, c'est parti maintenant. Caris, et mettez-vous bien aussi à la maison. Le son de Caris tout de suite. Ça sort l'un, ça sort vendredi. Vendredi 16. Je fais des lem. T'as le seum, sem. Je fais des lem. Je n'ai que des rum. Je fais des lem. Dans le sum. J'fais des lem. J'nique des rum. Clic, semi-auto. J'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le cathmatique. Sorti de l'école de la République. Des lards. Poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus d'armée de soucis. Mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume un grosse bar. Elle a vu ma grosse barre. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guy, qui me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une cova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme. Demi-tour en marchant, mon chewing-gum, gomme. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie emplourée. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bisbisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles tringues dans une Ford Mégra, ils font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casserier, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Gandora, double calache et Ondora. Produit dans la planque, tracker sans manque, j'suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. lem. J'nique des rum. Le morceau s'appelle Terrain, vous le retrouvez à partir de vendredi ou dès maintenant si vous précommandez. Grimper. Allez-y, allez-y, allez cliquer, récupérer ce projet double fun allez-y, de Caris. C'est du bon son. Bon, Caris, par contre, pour alors. Une fois. J'ai eu un message aujourd'hui. Ouais. Je te cache pas. Quel genre de quelqu'un qui apparaît dans ton album, que tu cites dans ton album, et qui voulait être là, mais il monte sur scène en fait à 20h pile, donc il pouvait pas être là. Il a pas pu passer. Écoute, il t'a laissé un petit message. Vas-y, j'écoute ça. Ouais, Caris, c'est Boudère. Écoute, j'ai vraiment kiffé ton son. Mais à un moment donné. À un moment donné, tu dis, le rap français, il me fait rire, il ressemble à Boudère. Quand tu dis Boudère, c'est moi Boudère ou là c'est un autre Boudère? Parce que, hein? Parce qu'on dirait, c'est moi, on dirait, c'est vrai que c'est moi, on dirait. Non, mais ça m'a fait rigoler. Bravo, bon courage, je te fais plein de bisous et passe me voir au théâtre. Je t'embrasse. Le rap français fait connerie. Si, si, ça fait plaisir. Voilà, un petit message de Boudère qui est sur scène en ce moment. Je pense qu'il écoute pas, mais on va voir. Non, en fait, il est tous les soirs du mercredi au samedi. Allez le voir, d'ailleurs, il veut absolument que tu viennes. On va y aller fort, comme jamais, on va y aller. C'est à l'Apollo Théâtre, c'est tout. C'est à Paris avec les poteaux Paul Serré, avec Waïd. Dès qu'il va rentrer sur scène, je vais me casser une barre de rire. Il est trop fort, ce mec, c'est le meilleur. Ah bah, tu pourras monter sur scène avec lui pour faire le lyrics. Je vais monter, même s'il dit de monter, je monte direct. La Grande Évasion, ça s'appelle, allez le voir, c'est à l'Apollo Théâtre, c'est à Paris, c'est du mercredi au samedi à 20h et on salue vraiment Boudère. Gros big up à Boudère. On aime beaucoup. Et donc qui ressemble au rap français, mais ça tu auras l'occasion de lui dire en face à face. Bon, Caris avec nous entre 20 et 21. On présente aussi les invités qui sont là ce soir dans. Ouais, présentez-vous les gars. Hein. Alors le XV Barbare. C'est le XV. Non, c'est tu veux quand même peut-être dire un mot sur eux, sur la façon ce que tu ressens. Autour. J'aime l'énergie, j'aime leur style, j'aime tout ce qu'ils font. C'est vrai? J'aime bien la mentale, j'aime bien l'état d'esprit, tu vois. C'est des bons. Voilà, j'aime bien. Ils viennent de Paris, région. Ils viennent de Paris 17ème. Connexion, 93-75. Voilà. Ça leur apporte de la force, ça m'apporte de la force. Il faut partir aussi de cette nouvelle génération. Bien énervé. C'est de lourd. Très, très, très énervé. Thérapie, toi, tu veux dire un mot justement sur le XV Barbare, mais plus en tant que producteur. Vraiment, il y a de la dynamique, il y a des putains de refrains. Chacun apporte son style dans leur domaine, tu vois. On a plus à être autour de l'attitude, comment il bouge et tout, c'est lourd. Non, franchement, c'est lourd. Franchement, il y a de l'énergie et tout. Moi, je kiffe perso. Mon fils, il est fan de ouf, tu vois. Son. Tu vois, vraiment. Tu vois, il est fan. Tu vois. Eh ben ils sont là, ça va bien les messieurs du XV Barbare en pleine forme. Le XV se porte bien, le triangle d'or, tout va bien. Toujours sur le projet, je crois que ça bosse dur en ce moment d'ailleurs aussi. En ce moment ça prépare première mixtape là dans les bacs bientôt Inch'Allah, 11 décembre. Le gun ou la rose. Vous m'appelez pour un feat. Ah, ça y est, il y aura le match retour. J'ai balancé la surprise tout seul. Personne m'a rien demandé. Personne au courant. Donc après, eux même n'étaient pas au courant. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, maintenant. Si je suis pas dedans, c'est chaud. Ça risque d'être tendu. Donc c'est déjà vous êtes présent avec Caris. Un petit mot aussi vous sur Caris, que vous aimez chez Caris. Franchement, moi j'aime bien son style, rap bien. Gestu, et il sait faire le gamin en même temps, il sait faire le mec en mode, tu vois ce que je veux dire, adulte, c'est ça que j'aime bien aussi. Il sait prendre les gens comme ils sont, tu vois ce que je veux dire, ça fait bien. Et bah sur le morceau, c'est un petit peu ça. Il y a eu un challenge d'ailleurs de poser avec Caris sur le morceau C'est la base. Ah ouais. Quand vous étiez en studio, il y avait une espèce de challenge, une compétition. Ouais, c'est obligé. Quoi, ouais, mais c'était ça. Bon enfant, c'était bien. Ouais, bah ouais. Je pense que c'est une bonne soirée. Ça reste quand même. Un peu le grand frère, tu vois ce que je veux dire. Je crois que Jack Mess, il se rappelle pas de la soirée, mais. Il y a Jack Mess, il est un peu relou. Il se rappelle pas de la soirée, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvé dehors. Prendre l'air. C'est normal, il y a des moments où il faut aller prendre l'air. Ouais, c'est ça. Donc le morceau s'appelle C'est la base, on l'écoutera ou vous le ferez non peut-être en live ce soir. On va se faire un petit live hein, s'ils sont chauds les mecs. Hein. On est chaud, bien sûr. Je suis chaud. Les gars, tout à l'heure vous ferez le C'est la base, vous pourrez découvrir. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, parce que. Comme on disait, comme on parlait justement de l'état d'esprit du XV Barbare. Et ceux qui vont. Et ceux qui vont dehors faire un petit tour, prendre l'air. Ouais. N'hésite pas. On écoute quoi alors comme morceau, messieurs, du projet de Caris? On va s'en mettre briller. On va se mettre. Tu veux briller? Briller avant de découvrir les exclus, peut-être. Ouais, on va en remettre briller. Je pense que c'est bon, briller. C'est bien d'attaquer avec briller. Ouais, c'est bien d'attaquer avec ça. Ouais. Et puis, dans un instant, d'autres exclus extraits de Double Fuck. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille.

C'est là qu'il découvre la polka et qu'il devient l'ambassadeur en France. Donc pas de surprise pour ce dernier opus où se mêlent accordéon et rime riche. Bon, ça va, j'ai un nom russe. Donc déjà, c'est bien. Et voilà, donc je sais pas. Bien joué, Kevin. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le double fuck? Qu'est-ce qu'il devrait mettre en étiquette? Parce que je pense en fait, il fait sortir tous mes CD, c'est comme si j'avais Bicrave. Ce serait bien qu'il fasse ça. Vas-y, Kevin. Voilà, et puis tu vois, il s'est fait un peu tout le monde. Il s'est fait un peu Black M aussi. Il s'est fait mettre Gims en disant que c'était le dernier brillant du rap français qui était de retour. Voilà, voilà, Kevin de Paris Nord. Donc je sais pas s'il est encore là-bas à la Fnac ou s'il a été viré depuis. Pas bien, Kevin. Mais c'est vrai que ça a été révélé. J'ai vu deux trois articles qui circulaient. T'avais pas entendu parler de ça, non, toi, Caris? Non. Ça te fait rire? Honnêtement, c'est pas. Ouais, c'est marrant. C'est cool. C'est pas un truc qui peut. Ouais, y a pas de problème. Et je pense qu'il faut un peu d'humour aussi. Voilà, dans le rap, il faut de temps en temps. Non, moi ça me dérange pas. Hein. Toi, t'es un mec qui accepte l'humour, voilà, qui aime bien. Tout à l'heure, on parlait de Boudère, etc. Il n'insulte pas, il traite pas, donc ah non. Rien, tu vois, ça reste bon enfant. Ouais, bah, aucun souci, il n'a qu'à continuer. Et ben, bah, on lui souhaite pour double fuck. Okay. Voilà. On attend l'étiquette de double fuck. Prépare-nous quelque chose pour double fuck. Prépare-nous. Mets le bien en avant, surtout, hein, parce que c'est important. On va le mettre sur l'Insta, si c'est bon. On va le mettre, donc sur l'Insta de Caris. Et dis-nous si tu l'as fait, Kevin, qu'on salue du côté de la Fnac de Paris Nord. Sur Skyrock, c'est le Planète Rap avec Caris. Entre 20 et 21, il y a du son à écouter. Il y a le XV Barbare qui est là aussi. XV Barbare, ils sont là en force. XV Barbare qui sont présents sur le projet. Ouais. Et hier soir, on avait PS Auteuil qui est passé triangle aussi. Triangle d'or. Voilà, le triangle d'or. Quel morceau on met? Est-ce qu'on met une exclue maintenant, Caris? On met quoi? Stock d'ici. On a Petit Vélo. Il y a quoi d'autre? Audemars. Petit Vélo, Audemars. Ouais, Petit Vélo, c'est allez, ça. Balance Petit Vélo. Ah, Petit Vélo. Donc, toutes les girls. Ouais. Écoutez-moi ce son. Ça va vous faire plaisir. C'est pour vous. Les filles, Petit Vélo, il a été écrit. Tu pensais à la puissance. Voilà, tu pensais aux filles en l'écrivant. Bien sûr, je pense aux femmes. C'est une expression ivoirienne en fait. C'est une expression ivoirienne pour dire se prendre un lapin. Mais c'est la vraie puissance, c'est les femmes. Donc bien sûr, je pense à elles tout le temps. Donc Petit Vélo, on écoute ce morceau. Réagissez, dites-nous ce que vous en pensez. Surtout les filles, balancez plein de messages avec le hashtag Caris sur Skyrock. Direct. Je cherche que le poisson. 2-7-2-1 au poteau. La femme a toujours raison. Tu seras les fondations de ma maison. La femme a toujours raison. Tu seras les fondations de ma maison. La femme a toujours raison. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Tu seras les fondations de ma maison. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur Petit Vélo. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur Petit Vélo. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. C'est pas de ma faute si personne lui demande son phone. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur Petit Vélo. Je veux que ma go soit ma bitch. Je veux que ma go soit ma bitch. Qu'on se comprenne sans trop de speech. Elle la coupe et je la bibi comme Big Mitch. Dieu sait qu'il n'y a qu'un pas. Entre aimer et détester. Je veux que ma go sorte le Beretta et tire sur ces négros qui veulent me tester. On s'envolera vers le soleil. Chaque Louis Vuitton rempli d'oseille. Braille de C contre le sommeil. Parce que la nuit ne donne pas que des bons conseils. Hôtel de luxe, room service. Cascade aux écrevisses. Avec l'argent du vice. Je ferai des piles de 10. Je te laisserai prendre mon bolide. Et je dormirai pendant que tu conduis. Seulement si tu me valides. Accepte-moi comme je suis. Mauvais garçon du tiers. Mauvais garçon du tiers. Kingari d'Afrique de l'Ouest. Avec des armes de l'Est. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur Petit Vélo. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, je me mets pas sur Petit Vélo. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. Ta copine n'est pas bonne. C'est pas de ma faute si personne lui demande son phone. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur Petit Vélo. Je dirais à ma go, mon ex petit ami est moins joli. Ensuite je lui dirais que la polygamie est un pays. Je serai ton ours brun, tu seras mon pain. On fait une pause, fume de 3 joints, j'ai encore faim. Je veux faire une sextape, mais ça reste entre nous. Enlève tout, t'inquiète, ça reste entre nous. Et si je tends mon prison, je veux que ma go soit capable de revendre les litrons. Et de mettre des coups de marteau aux faux frères qui veulent la reste derrière mon dos. Je serai souvent absent, je vais faire de la musique. Je comprends ce que tu ressens, la solitude est une douleur physique. Je fais rentrer des sous, toutes les demi-secondes. Il reste encore quelques secondes, on a le temps de faire le tour du monde. Donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur petit vélo. Donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur petit vélo. Ta copine n'est pas bonne, ta copine n'est pas bonne, ta copine n'est pas bonne, ta copine n'est pas bonne, ta copine n'est pas bonne. C'est pas de ma faute si personne lui demande son phone. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, donne-moi ton numéro. Je me mets pas sur petit vélo. 27 27 Jingari d'Afrique de l'Ouest, Jingari d'Afrique de l'Ouest. Le morceau s'appelle Petit Vélo. Le fameux Petit Vélo. Le fameux petit vélo. C'est donc pas un morceau pour Valbuena, hein, c'est son surnom. Non, mais c'est, rien c'est, à voir. C'est pas pour lui. Hein, non, c'est plutôt, pas pour lui du tout. C'est plutôt une expression, mais on le disait, donc ivoirienne. Il a pas besoin de ça en ce moment. Non. Non, non, c'est pour un sens, c'est pas un petit vélo. Il a d'autres soucis à gérer que le petit vélo. Donc, c'en est où d'ailleurs sur l'Afrique? Tu devais pas faire des concerts? Il y a eu Caris, tu vas y aller ou? Parce que je sais qu'on a pas mal de messages. On a fait des dates. Hein. Il y a eu des dates, on ouais. On a fait le Congo, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait les deux Congos. On a fait beaucoup de dates. Moment pareil, important. Sénégal. Moment Dakar, particulier. Ouais, Dakar, c'était très très lourd. Moment particulier. Abidjan. Ah, Abidjan, l'entrée de scène. C'est vrai. Le public devant moi. C'est comme si c'était ma famille, quoi. Tu y retournes là prochainement ou c'est pas prévu? On va retourner là-bas fort comme jamais. Pour 2016? Ouais, obligatoire. En attendant, il y a un concert aussi à pas louper, c'est le 9 novembre. 9 novembre au Zénith. Zénith de Paris avec des places à choper chaque soir. Alors attention, petite question pour repartir avec vos places. Quel artiste a passé un coup de fil hier soir à Caris dans l'émission? C'est simple, il était en speed, hein, on l'a eu hier soir rapidement. Il n'a pas l'habitude de passer des coups de fil, donc c'est simple. Ouais, donc c'est assez simple. Qui était avec nous hier soir par téléphone? Vous envoyez le message si vous avez la bonne réponse avec le hashtag Caris sur Skyrock ou alors au 41759, 41759. Et puis beaucoup, beaucoup de messages aussi, hein, je le disais, pour Petit Vélo qu'on écoutait à l'instant. Un morceau donc voilà pour toutes les filles. Pour tout le monde, pour les garçons. Pour tout le monde, pour les garçons. Mais série de meufs, pour son numéro. Si sa copine est là à côté, qu'elle n'est pas bonne, elle veut tout gâcher. C'est Petit Vélo, on a tous ça. Vécu ça. Ça, c'est par contre, c'est Petit Vélo. C'est ça. Exactement. Ne bougez pas. Numéro masqué. Dans un instant, ça y est, t'as récupéré le téléphone? Ouais, il est là. Tu veux prendre un appel tout de suite? 06 ouais. 71 74 94 15. C'est la ligne directe pour Jean-De Caris. Allô? Allô? Ouais. C'est Caris? Ouais, c'est qui? C'est Elodie. Bien ou quoi, Elodie? Tu vas bien? Bien, toi? Ouais, on est là. Hein. Ça te dit quoi? T'es d'où, toi? Je suis au téléphone avec la crime. Ah ouais? Ah bah Elodie, tu sais, mais on a joué un jeu, Elodie. T'as tout niqué là. Bon, c'est toi qui as gagné, allez. Allez, on les file à Elodie. On les file à Elodie direct, c'est alors, toi qui as gagné. Par contre, faut pas raccrocher alors, faut pas qu'elle raccroche. Raccroche pas. Donc ça veut dire qu'elle sera le 9 novembre au Zénith de Paris. Voilà, elle y sera, tu seras au Zénith. D'accord, ouais, merci. Ouais, bah c'est bon ça. Elle voulait ajouter quelque chose? Non, je suis une petite dédicace à ma famille. Ah ok, bien ouais. Ouais. Yes, I. Et bah Elodie, tiens, refile la Fab qui est derrière, comme ça il va prendre les coordonnées d'Elodie et filer les places. Voilà, bah désolé. Voilà, c'est Elodie qui a gagné. Et c'est Elodie qui a gagné, en effet, c'était plus la crime. Que tout le monde. Et la crime qui a passé un petit coup de fil hier soir à Caris dans l'émission. Exactement. Et la crime qu'on retrouve d'ailleurs toujours, hein, sur le précédent projet. Ouais, morceau chapeau. Lourd. Très très lourd. Très très très lourd. Donc n'hésitez pas à vous replonger dedans. On revient dans quelques minutes. On a mis Petit Vélo, on mettra un autre morceau. Audemars. Audemars. Ouais. Audemars. Et bah ne bougez pas. On va revenir à la violence. C'est juste après ça, le retour de la violence. L'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap reçoit Caris. C'est Caris, notre invité toute la semaine. Double Fuck, ça arrive vendredi à pas louper. C'est le 16 octobre, la sortie de Double Fuck. Et c'est déjà en précommande dès maintenant. Double Fuck. Direct. N'hésitez pas. Avec XV Barbare. Avec XV Barbare, c'est la base. Fuck. Le morceau, on l'aura en live d'ici quelques minutes. À pas louper sur Skyrock. Et juste avant la pub, on avait promis aussi un autre titre. Ouais. Yes. Titre inédit. Audemars. C'est l'un de mes préférés, celui-là. C'est vrai? Ouais, bah, tu vois, quand je te demandais en début de semaine, ça y est. Au départ, c'était mon préféré. Ouais, il voulait qu'on le balance en premier, même. Ouais. Et alors? Alors j'ai dit non. Il a dit non. Il avait raison. Il avait raison. Attendons un petit peu. Parce qu'après, dès que je me trompe, mon frère, il m'attaque direct. Bon, sur terrain, vous n'êtes pas planté hein, sur le premier. Non, hein. On avait raison. Ouais. Sur la base aussi, on ne s'est pas trompé. Vous n'êtes pas trompé non plus. Sinaloa, lundi, on ne va pas se tromper. Non plus. Ouais. Pour l'instant. Gros clip lundi qui arrive, hein, de Sinaloa. Ah, c'est lundi le clip? Ouais, lundi direct, le gros clip. Franchement lourd. Vous avez clippé d'autres choses aussi sur film d'horreur le clip. Hein sur le projet ou c'est. Ouais, il y a encore d'autres choses, bien sûr. Il y a le clip de Bakil qui va arriver aussi. Ouais. Le clip ensuite, de PSO Tug. Voilà, clip de PSO Tug qu'on est en train de préparer. Il y a plein de choses qui se préparent. Tu vois. Bon, attends, il y a déjà pas mal d'images. Il y a du son aussi pour ceux qui précommandent dès maintenant le projet de Caris. Et donc ce morceau, vous réagissez, Audemars, qu'on balance en exclu tout de suite. Direct. Dans Planète Rap. Faut mettre le son à fond, c'est chaud. 270 pour toi. S-E-D-R-A-N. J'aime les grosses berlines. Rond en ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai de la cocaïne pour toi et tes. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Audemars m'a tué, je veux pas rouler en OP. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars m'a tué, dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars m'a tué. Je me casse pas les couilles pour prendre ta place. Tu vas finir par glisser sur ta chasse. Ne crois surtout pas que tu m'as huette. Si t'es devant WAM, c'est parce que t'es en levrette. Donne-moi mes pépettes, parle pas chinois. J'arrive énervé, m'acheter comme un quinoa. Traverse les nuages comme une fusée. Putain, arrive à la fin de sa life le cul usé. Prends ce même les flics qui taffent ici. Ils contrôlent ta plaque, ils contrôlent ta vessie. J'ai vu le podologue, faut que je voie le sociologue. J'ai des problèmes d'argent parce que j'ai des problèmes de drogue. Rond en ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai de la cocaïne pour toi et tes copines. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Audemars m'a tué. Je veux pas rouler en Opel. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars m'a tué. Dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars m'a tué. Ton téléphone sonne, c'est de bonne augure. Décroche, c'est moi qui t'appelle du futur. C'est une fille, bien moi j'en suis sûr. Miskina, elle suce des bites pour payer ses factures. Biatch! Incorruptible comme un béret vert. Non. Pour une dose, toi tu vendrais père et mère. Ne te fatigue pas, on ne sera jamais quitte. Faut que je gagne même si c'est juste un concours de bites. Grosse punchline, super missile. Traverse toutes les lines. Même ton spermicide. Le genre humain n'est pas trop mon genre. Préoccupe-toi du tien, ne t'occupe pas de mon sang. Rond en ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai la cocaïne pour toi et tes copines. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Audemars m'a tué. Je veux pas rouler en Opel. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars m'a tué, dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars m'a tué. J'ai dit pute. De cette Bécoli. Il l'a dit. Caris avec nous, entre 20h et 21h, ce morceau Audemars. Audemars en rapport au Tocante. En rapport à la montre. À la montre, ouais. et innocent. Et ouais, Omar Mathieu, voilà. Le jeu de mots est là-dessus aussi. Voilà. Omar. Big up à Samy Bouajila. Ouais, le film est incroyable d'ailleurs. Le film est incroyable. Ouais, le film est incroyable. Loupez pas si vous avez vu ce film, et d'ailleurs une des plus grosses injustices, hein, puisque. Le fou. Il a fallu. Il a toujours pas été blanchi. Ah, toujours pas, je croyais qu'il. Non, il a été libéré, pas. Mais c'est vrai qu'il. Libéré, mais il est coupable. Mais, exact, ouais, toujours coupable, ouais. C'est comme ça. Eh bah écoute, parfois la justice est bien bien lente. C'est pas ce son qui va le. Je suis pas sûr que s'ils arrivent au jugement, c'est un énième jugement. C'est pas ce son qui va l'aider, je crois. Pour l'aider, vaut mieux le laisser de côté. C'est ça. Mais c'est bien en tout cas de continuer à en parler, même d'une façon un peu particulière, hein, là-dessus, en l'occurrence sur un morceau qui est un peu égotrip et tout. Ouais. Mais c'est important de, voilà, de rappeler qu'il y a eu certaines injustices. Parfois, pour que la justice continue à avancer, il faut aussi savoir reconnaître. C'est tort et c'est le cas de tous les côtés. Et de tous les côtés. Et puis en attendant, ouais, allez voir ce film qui était sorti il y a quelques années déjà. Omar Mathieu, Audemars sur Skyrock, c'est le morceau. Réagissez pareil, hein, les gens sont bien contents d'avoir écouté ce morceau. Vous avez peut-être eu raison de le mettre un petit peu de côté et de le garder. Audemars, il est énervé, frérot. De le garder pour la suite. Ouais. Caris avec nous entre 20 et 21, le XV Barbare en live dans un instant et par téléphone. On est avec Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ouais, je ferais ça, quoi. Ça va et toi? Ouais, bien quoi, mon poteau Caris, bien quoi. Bien quoi, mon poteau, ça dit quoi? Ouais, on est là, frère, je te rappelle de moi, Yanis. Quoi. Yanis, t'avais pas partagé ça, avec Caris. Ouais, j'avais freestylé au truc de Caris, il était fort. Si, Yanis 2L, le poteau. F2L, ouais. On va aller fort, les morceaux qu'on a écoutés là, c'est lourd. Si, merci. Il va tout baiser, je te le dis, il va tout baiser. Si, merci. C'est vrai, tu attends vendredi avec impatience, Yanis? Bien sûr. Et pour toi, on attend du lourd. Et pour toi aussi, mardi prochain, tu seras avec nous pour l'avant-première du film à Paris, au Gaumont-Marignan de Paris. Avec train, hôtel pour deux personnes, c'est pour toi mon pote, c'est pour assister à l'avant-première du film Paranormal Activity de Ghost Dimension, le cinquième volume de Paranormal Activity. Tu y seras, on t'écoute rappeler, c'est parti? Eh ben c'est parfait, vas-y. Vas-y, déchire tout, frérot, déchire tout. Vas-y, Miguel. Ok. Ça fait Yannis F de Zelle. Ok. Tu peux faire ma prod, qui l'aurait cru? Toi tu m'étonnes, t'as donné ton cul. Des cas cinéma, le bizarre fait patiner. Pas besoin d'être en bleu pour avoir du vécu. MC, nage pas si t'as pas pied. En loose vie, t'es qu'une pute à damier. Gros chez moi, l'élève ne pèsera pas le maître. Sache que les premiers seront les derniers. Ton usant, peu ça ton dette. Pendant que tu as fait une commission d'aide. Bang, bang, tu rappes avec Bane. Ça rentre dans le crâne comme une balle dans la tête. PD, ta place est peste. Cavaler. Salope, j'ai pas le temps pour avaler. Razata, tu t'es fait avaler. J'monte, paname, dame, deux, trois, raquette. J'ai percé les tapons, mais j'ai percé le rap. J'sors dans du bon, faut être la mort au rat. J'arrive dans le game, négro, j'repars aussi vite. Faut être vif, esquiver la balle ou t'es mort, ça y est. Comme Tine, il me dit les cheveux jaunes, tel un super, ça y est. Je ne reviens pas tant qu'à des âges, pas tant qu'à des âges, les douillots te crèvent. Double fuck, t'es salope, t'es carte, t'es cuisse, t'es la fouette. Ouh. Ok. Bon, un peu décalé, mais. Ok, mon frérot, tu t'es trompé un peu, c'est dommage. Au téléphone, tu connais mon pote. Ouais, merde, c'est dur au téléphone, c'est relou. T'inquiète pas. Inch'Allah, un jour, tu seras ici, frérot. Ah, mais c'est gentil. Bah, dis-moi, ouais. Carré, si en tout cas, c'est merde pour double fuck. Si tu vois, je vais te sortir un nouveau son là. Ouais. Dinguerie. Je vais sortir le clip bientôt. Vas-y, on voit le sur ma chaîne YouTube. On voit le sur ma page, frère, si c'est lourd, je le balance. Vas-y, c'est gentil, voilà, t'es un bon frère. Et rappelle-nous ton adresse, toi, Yanis, pour le mater le son maintenant, vas-y. Tu m'as dit quoi? L'adresse où on peut l'écouter. Ouais, le son c'est Yanis F2L, personne. Personne de Yanis F2L. Voilà, personne sur YouTube. Sur YouTube. Disponible, j'ai foutu à 20h. Le son est lourd, c'est le premier extrait de mon album seul. Si. Pas disponible courant 2016. Bien ouais, je m'adore. C'est un album qui va tout péter, qui va tout péter. C'est gentil, poteau. Eh bah, bon courage à toi pour la suite, Yanis. Et on t'attend donc pour l'avant-première du Paranormal Activity. C'est mardi prochain. C'est nickel. Merci à toi. Nickel. Merci, c'est gentil. Vas-y, Carré, je t'envoie ça sur ta page. Direct, frérot, direct. T'as pas oublié. Direct. Il a raison, il a raison. Bien vu, faut pas lâcher. XV Barbare, Caris, est-ce que tout le monde est prêt maintenant? Est-ce que c'est la base? Est-ce qu'on peut attaquer? C'est la base en live. Le XV Barbare que vous retrouvez d'ailleurs sur le projet de Caris, ça sort vendredi. Ouais. La roulette qui tournera aussi dans un instant. Inscription tout de suite, hein, pour refaire tourner la roulette. 41 759, avec votre prénom, numéro de téléphone. 41 759, prénom, numéro de téléphone. Obla. Le XV Barbare est en train de s'installer. Obla. C'est comment les gars? Primo est là. Ah, c'est comment les amis, les mecs du XV, les mecs du 9-3, c'est comment? Aïe. Hein, double fuck. Mon gars Mon gars l'arc gueux. On est là mon gars. Écoute ça. Clique. Si. Zaj, DJ Maxwell au platine. Aïe. Sopac, tout le monde le suit. Bloca, Paris, bloqué, Bloca. Mon gaillou, mon gaillou, c'est comment? L'arc-gueux, bang, double fuck, porte Saint-Ouen, bang, bang, bang, thérapie, t'es fonce des camps, vise tes morts, t'as vu la vache. Tu plus grave la merde, squat la station de lavage. Je suis sur le corner, j'ai du dérobé. Et la recette que j'ai dû dérober. Partiale, viens commettre un carnage. Si je t'intercepte, je veux pas te crapoter devant ton salon de beauté. J'accomplirai ma tâche. Si t'interprètes le rôle du perroquet, pète pas le gueule. Les gros, le système, ils nous manipulent. On va te blesser juste pour quelques milligrammes. Je suis pressé, je prends le billet et je quitte le. Même en hiver, dans le refus, c'est la canicule. Gros, fais belle à l'arnouche qui te soulève dans ton lit. T'assumes pas la pression là, tu périmètres. Force de leur cadrer le périmètre. Ceux qui poussent la fonte et ceux qui poussent. Dans le poche ton grosse tête de squelette. Dans ma tête c'est la guerre territoriale. La guerre territoriale. Une sorte de peintre démoniaque. Démoniaque. Hiver mais du cognac. Dans mon verre. Comme les chevaliers du Zodiac. Chevaliers du Zodiac. Environnement traumatisant. Malade c'est le grognac. Malade c'est le grognac. On comprend le fil à passe. Belle est à l'arnouche et la basse. Belle est à l'arnouche et la basse. Je veux que Polo se fait la basse. Belle est à l'arnouche et la basse. Belle est à l'arnouche et la basse. Belle est à l'arnouche et la basse. Le but de la Polo se fait la basse. Belle est à l'arnouche et la basse. Mis à part celui de Nicky. Te comparer comment hostile. De la street hostile. Tu ne mets pas hostile. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc laisse-moi faire. Bitch. Enlève tous tes putes. Laisse-toi faire. Wesh. Les gars. J'ai retrouvé Houdini. Ils avaient bec à double A dans le mec et ma gueule. T'as reconnu mais que tu unis. Yeah yeah. C'est que ça n'est tout pas mal ici. Ouais. La vague s'endort dans la banalisée. Juste 1 million, 2 millions, voire 3 millions. Suffiront pour m'étanaliser. Biche. Bang. Rabarabang. Quoi c'est SLA, dis-moi qui peut rivaliser. Tous mes zombies. Tous mes zombies. Mon visage assombri. Même sous ma pushka. Jack Mellon. Tu me reconnais même. J'suis au fond dans la paille. Bitches. J'ai mon neugue à sortir. Avec mes sables et si j'te croise dans le bail. Sale pute, j'pense que t'es pas prêt d'en sortir. Négro, si tu veux tirer dur. Mais comment tu parles de troll et t'as pas de quoi investir. Bitch, ce négro c'est une pute. Vaut mieux qu'il aille se travestir. Bang bang. K double A Jack, mais soir soit t'es averti. Le but quand qu'on prend le fait la base. Belle et calache nous c'est la base. Belle et calache nous c'est la base. Le but quand qu'on prend le fait la base. Belle et calache nous c'est la base. Belle et calache nous c'est la base. Belle et calache nous c'est la base. Belle et calache nous c'est la base. Belle et calache nous c'est la base. Le but quand qu'on prend le fait la base. Le but quand qu'on prend le fait la base. Tu veux te libérer Bendy. Tu finis par Bloca qui est enfermé. Pas de tchipi pour ses pubs. T'es les attrapes je les fume. Bendo bendo je parle pas de ghetto. J'suis toujours au checker avec les gars j'blesse. Loco, tu n'as pas de Zeyo. Appel, il va pas te sortir de la tête. 9-3-7, ça cuit putain de fusion. Cette bitch, je remercie juste après l'infusion. L'argent du bus n'est pas une illusion. Contre la distance, c'est comme une addiction. Wang, plus je n'ai plus un peu. J'vois du shit et j'fume du béton. J'enroule la voisin, t'es le pédé. Et je presse d'été en hiver. J'suis le presse, donc j'les presse pour de vrai. Tiens tes fesses, ce père d'un fils, elle veut l'oseille. Y'a toutes ces putes en main. 75-0, c'est le 17. En menu ou en miette, du MC au dîner. Le jour de paye, investis la dîner. Appelle-moi après que je t'apprenne à dîner. Je sais. Le putain qu'on pour le fait la passe. Belle et calard nous c'est la base. Belle et calard nous c'est la base. Le putain qu'on pour le fait la passe. Belle et calard nous c'est la base. Belle et calard nous c'est la base. Belle et calard nous c'est la base. Le putain qu'on pour le fait la passe. Ce clip de ta combe de cartouches. Deux balles, c'est comme ça que j'écris mes lettres. Voltez la vautour, je vois tout comme Wade. Dîner pour Cadier, périmètre. Moi je suis seul, tout vous êtes. Les cramés comme une paire de TNF. On m'a dit barbare, tu es un homme bon. Mais je ne savais pas que je devais l'être. Nerveux comme Joe Petit, je me tape comme Belmondo. Mundo, la balle est partie tellement vite sur ton dos. Tellement vite que tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Pipa, pipa, pipa. Que tu n'as pas vite, tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Jacques, personne ne te connaît, t'es mort, perds ton cul. Je compte aux ailes, peux dormir sur mes deux oreilles. Mes petits frères t'allument. Chérie, je t'aime, t'es mon soleil. Mais je préfère ta lune. Faut voir les couilles de tes valeurs. Dans mon pays, j'étais du côté du chasseur. Tu peux me voir dans un de tes checks. C'est à cause de moi que quand tu sors, ta mère s'inquiète. Très très vilain, garçon, pas reflet dans ton sillage. Fais un bisou au canon, mais pas avec les relais de ton visage. Vitre toujours teinté, je fais des AR dans mon empire. Sont toujours baissés, sera la lumière comme un vampire. Vampire, bitch, pas besoin qu'on s'entende. drive-by. Ring, c'est un air plus bas. Le puissant comme Polo fait la passe. Non, Belle et Galard nous c'est la base. Belle et Galard nous c'est la base. Le puissant comme Polo fait la passe. Belle et Galard nous c'est la base. Belle et Galard nous c'est la base. Belle et Galard nous c'est la base. Le puissant comme Polo fait la passe. 95. Il se fait barbier, nous la roue, on se fuck dans ton cul. La tombe, la barbarie dans le réservoir. La barbarie dans le réservoir. Le 16 octobre, enculé. Double fuck, c'est la base, le top. Se force, se force. La bouche, tu connais, on est là. Je me demande si c'est pareil en studio en fait, c'est quand vous enregistrez le morceau, si c'est. C'est pareil. Si c'est les mêmes gens. Ils vivent leur couplet, frère. Laisse tomber. Tu sens que c'est. Ça vit le truc. Tu pourrais faire un clip en fait en studio. Lourd, lourd, lourd, lourd. Non, lourd, lourd, tu vois, la vibe, tout. Charisme. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Tout va bien. Bon, bravo en tout cas, XB Barbare. Merci d'être là encore avec vous. On attend le projet tout le monde. Du XB Barbare pour le mois de décembre. Hein. Ouais. On va pouvoir les retrouver aussi au Zénith. C'est important, tu vois. Aïe, aïe, aïe. XB Barbare au Zénith. Regarde l'arc. La mixe est par les deux. Vogan est toujours là, tu connais. Aïe, aïe, aïe. Le gars nous la rose, car ils sont ensemble. Aïe, aïe, aïe. Thérapie, Ritzfus. Si, si, si, si, les gars. Grosse dédicace à Mathurin, Vivi, Krishen, Shérif, les mecs au Hebs, à mon frère Omar Mouzé, Bekai. Grosse dédicace à Reda, Malé, dédicace à Gucci IG, les petits du Hall 14, Sevran, Bondy, Bobigny, Aubervilliers, Estin, 93, les frères Bachet bien sûr, les Jets de Poteau, 2-7-2-R au Poteau. Caris, XV Barbare, c'est la base à l'instant et donc vous serez tous présents au Zénith de Caris. Ouais. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Tous ceux qui sont sur la mixtape et d'autres. Et d'autres sur les invités surprises, exactement. Les invités surprises. Mais s'ils sont surprises, on va pas dévoiler tout de suite. C'est ça. Vaut mieux regarder un petit peu. Exactement. Donc 9 novembre, loupez pas le concert de Caris au Zénith de Paris. C'est loupez pas ça. D'ici un mois. Et puis fuck. XV Barbare, ouais. Pareil au mois de décembre, à retrouver dans les bacs. Le Gun ou la Rose. Le Gun ou la Rose. Aïe, aïe. C'est en train d'être enregistré en ce moment, les gars, double ça bosse dur. Fred aussi, dédicace à Fred aussi. Le triple. Merci à vous, les gars. Quoi, triple fuck. Dédicace à deux frais. On se croise souvent avec le XV Barbare. Commence à vous connaître. Commence à se croiser pas mal. Ouais. On met un dernier morceau, on met le terrain pour conclure. Ouais, on met terrain, je pense qu'ils veulent ça. Terrain, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est parti, c'est extrait de Double Fuck. Je fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. J'fais des lem, lem, lem, lem. J'nique des rum, rum, rum, rum. J'fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. J'fais des lem, lem, lem, lem. J'nique des rum, rum, rum, rum. Clic, semi-auto. Haché du liquide amniotique. Devenu automatique dans le cathmatique. Sorti de l'école de la République. Des larves, des larves, des larves. Poussi, poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus armé de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume un gros bar. Elle a vu ma grosse barre. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guide, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétale dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme gomme. Demi-tour en marchant mon chewing-gum, gomme gomme. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre en tri. Je crois bien que tout est dit. Sors mon arme, Jamani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bousemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie emplourée. J'fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. J'fais des lem, lem, lem, lem. J'nique des rum, rum, rum, rum. J'fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. J'fais des lem, lem, lem, lem. J'nique des rum, rum, rum, rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bis-biseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles tringues dans une Ford Megra, ils font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayer, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Kandora, Kandora, double calache, on t'aura. tendu dans la planque. Cracker sans manque, j'suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. C'est Caris, le projet, ça sort le 16 octobre, c'est vendredi. 16 octobre, vendredi. A pas loupé le morceau. Gros Big Up, Luxury 57, mon pote Jed, concept, location de voiture. Ah, bah le message est passé. 270 frère. Allez-y faire un tour. Double Fuck, ça sort donc vendredi, où vous retrouverez ceux qui étaient là en live avec nous ce soir. Fort. Et le morceau, c'est la base qu'on écoutait à l'instant en live. Un gros morceau qu'on pourra retrouver d'ailleurs, les images tout à l'heure là sur le skyrock.fm, sur la chaîne YouTube de Skyrock, pour retrouver tous les lives avec Caris. Dans un instant, on va faire tourner la roulette. On a encore un petit peu d'avance. Difool est dans les bouchons, il arrive. On met un petit Sinaloa. On peut se mettre Sinaloa. C'est bien, non? Le clip, en plus, c'est dans ses thérapies qui nous disaient qu'il arrive lundi. Le clip arrive lundi. Donc le clip arrive lundi. Vas-y, on se le met, frérot. Je pense qu'on peut balancer ce morceau sur Skyrock. Et je pense que vous voulez ça. Donc on le balance, Caris. Ce sera. Ce morceau, vous pouvez le récupérer dès maintenant. Hein. Ouais, on peut le récupérer dès maintenant. Si vous précommandez l'album de Caris, vous récupérez ce morceau qu'on écoute tout de suite. De 7 et de la roue, poteau. Cartel de Sinaloa. 2-7. Sinaloa. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. Glock, chouin, boca, bédo. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Sinaloa, négro. Soit ils l'ont profond au fond du gosier. Soit ils passent leur temps à se baisser pour amasser leur dossier. Je vais prendre sans qu'on me le donne. Vu qu'on a souffert, je veux une Lamborghini Reventon et une conne à tout faire. Les Mayas avaient tout dit, ça m'en a tout l'air. De tête, le rap français fait connerie, il ressemble à Pouter. Come again, j'ai la haine. Barbu comme le fantôme, ah, Ben Laden. On a commis beaucoup d'actes, inavouables. Baiser du foncer, fumer du crack, comme un couac. Je parle à ses necs, t'as rien de méchant, oui je pense à toi. Bitch, ta soeur a ses règles, pour qu'elle voit du sang, plus souvent que toi. Les nuits sont traîtres, ses fils se font arroser. Quand tu manges ton grec, je pisse du champagne rosé. Je vais planter mon drapeau, dans ton trou de balle. Tu dis beaucoup plus de mots, que tu tires de balles. Regarde l'équipe qui pétait, que tu t'es dégoté. Par la bouche, par le huf, ta mère sort. T'es de côté, tu sais bien que je vais revenir. Dur comme un bras, dur comme un bras. Cette fois pour bien te punir. J'prends du comme un gras, comme un gras. Y'aura toujours des barrières. Ma gueule est plus profonde que tes vitres arrière. J'vais t'allumer pour éteindre ta petite carrière. Sors de RIAB et j'me promène la bite à l'air. J'suis posé détente, j'écoute ce qu'ils prétendent. Doigt sur la détente, j'attends que c'est pédé détente. J'suis plus paro qu'un gosse. J'ai les sudistes, si la français me subsiste. Fuck les puristes, rappeur ne prend plus de risques. 50 ne vend plus de disques. Non, j'mets les petits plats dans les grands plats. Tu me tiques dans les grands plats. Galilée avait raison et tant pis. La terre est ronde, mais ton cul est bien plat. Arme de toute catégorie. J'ai la logistique. Tant plus large que le gorille. Avec le magic stick. Avec le magic stick. Y'aura jamais de one-one, bitch. C'est pas la fête, non. J'suis Obi-Wan, bitch. T'es Django Fett, t'es Django Fett. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. Glock, choix, Boca, Beto. Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre, Sinaloa nègre. Sinaloa. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un gros morceau aussi, ouais, de, du projet de Caris. Le clip J'imagine arrive. Sur scène ce que ça doit être. Ah. Ce que ça va être. T'as envie d'y être, ouais, ou sur scène, ça va être un truc de ouf ce son. Eh bah, très bien, bah, rendez-vous. Il y a beaucoup comme ça. Hein. Dès le départ, Zoo, Banks. Bah, Zoo, tu l'as déjà joué. C'est un truc de toute façon, Zoo, c'est un truc de dingue. Ouais, il y avait eu le Bataclan, c'était un truc. C'était la folie. La folie. C'était assez. Ils assez, sont comme des fous. Assez irréel sur Zoo. Ouais. Et puis, il y en a plein d'autres. Entre Or Noir aussi, le projet Or Noir, entre Le Bruit de mon âme, il y a aussi d'autres. Or Noir part 2. Chargé, tout ça quoi. Le morceau Cristal aussi. Valeur, Cristal, il y en a trop. Bon bah allez voir Caris sur scène. Radio, Enfer, Or Noir. Près de chez vous, notamment le 9 novembre au Zénith de Paris, avec beaucoup d'artistes invités, on le disait pour XV Barbare et puis d'autres invités aussi. Avec toi au Zénith, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? What the fuck? Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringue pour aller au concert. Salut Lucas, du côté de Lille. Ouais. Ça va bien Lucas? Ça va et toi? Eh bah écoute, en pleine forme, on est avec Caris. Ah, ça va là. Ah, ouais, bien ou quoi Lucas? Ouais, on est là et toi? Ouais, on est là frérot. Allô. Ah putain, oh là là, tu me mets bien, tiens, putain. Ah, double flotte. Ah, et tu as retenu quand ça sort Lucas? Tu as retenu quand ça sort? Ah, j'ai retenu, j'ai déjà précommandé, tu connais? Non, on est déjà là, là, pas. Ah, tu l'as précommandé? Bien joué, t'es un bon Lucas, t'es un bon. Ah, t'inquiète, on donne la force, on donne la force. Faut donner la force, la force vient de vous de toute façon. Je peux pas l'avoir tout seul, c'est impossible. T'inquiète. On a trouvé ça vite fait là. Le 12, là, vendredi. T'inquiète. Okay, le 16, c'est ouais. Bon, c'est du bon, le 16. Le 16. C'est du bon, mon frère. Lucas, est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti. Tu vas gagner, t'inquiète, quoi qu'il arrive, tu vas gagner. Ah, si tu dis rien. Bah, s'il faut dire stop quand même, c'est mieux. La roulette, Lucas, qui s'arrête pour toi sur la case, c'est. Et bah voilà, Youssoupha en tournée, en concert près de chez toi. Et les fringues, what the fuck, qui vont avec la casquette, bien joué, le t-shirt, mon gars, bien le caleçon. Ah, ça fait plaisir, c'est un bon anniversaire, mon pote. C'est un bon Youssoupha, c'est un bon. Ouais, il est bon Youssoupha. Ouais, il est bon. Et sur scène, pareil. C'est toi le meilleur, façon, c'est toi le meilleur quand même. Merci frérot, merci. Dans ce que je fais, dans ce que je fais. Merci, non, merci. Bah, c'est vrai, quand tu viens dans le Nord, On va bientôt venir, t'inquiète pas, on va venir partout. Ah, ça va alors, on sera là. Si, merde, frérot. À bientôt, ciao, merci Lucas. Ok, merci. Ciao, boss, passe une bonne soirée, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on disait. On peut très bien aussi écouter Youssoupha et Mekariz. Voilà. Il y a plein de choses différentes. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui ont du talent, qui veulent rapper, ils peuvent. Et bah merci. Merci Caris pour cette soirée en tout cas. Ouais, une fois de plus. De près, hein. Merci au XV Barbare qui était là, qu'on salue. À bientôt les gars. À très vite, hein, on vous attend aussi. Merci à toi. Il faut que je fasse une grosse dédicace à tout Kipé quand même. Vas-y, vas-y. Performance, le petit frelon Oumar, RGT, 10-12R. On est tous là. Eh ben merci à vous tous, merci au XV Barbare en quart demain entre 20 et 21, un petit peu avant 20h d'ailleurs pour la suite de ce Planète Rap avec Caris. On sera à 24h de la sortie, même pas, hein, de Double Fuck demain. On aura l'occasion d'en reparler et là on va retrouver normalement D-Fool qui doit être connecté. Oui, Fredo. Ah, en direct de la voiture. Alors D-Fool, tu nous fais quoi là? Je suis derrière un camion poubelle. Ah. T'es sûr que t'es pas dans le camion poubelle? Pas encore. Je vais passer à côté, je vais faire gaffe. Ils vont te mettre dedans. On sait jamais, ouais, t'as raison Caris. Bon, en tout cas, faites comme nous, si vous êtes en voiture, écoutez Caris très fort dans la voiture. Écoutez Caris à fond. Écoutez tous le gros son. Bon, ça te donne pas, demain, Caris. Ça te donne pas, justement, ça donne pas envie de... J'entends le camion poubelle derrière. Ouais. Ah oui, on entend bien. Non mais en fait, Eddie Fou, ça te donne pas justement envie de foncer dedans d'ailleurs quand t'écoutes le son de Caris? Non, ça va. T'as pas envie de foncer sur tout le monde? Ça va, on garde notre calme. Bon, bon bah écoute, a, je crois que l'équipe... Il y a du monde en bas, Caris, il y a du monde qui t'attend. Il y a l'équipe qui est là. En tout cas, ton invité est arrivé avant toi. Hein. C'est pas vrai, la fouine est déjà là. C'est vrai, la fouine est déjà là. Ouais. Il est déjà là. Bon, on arrive aussi, on monte et on est sur tout de suite pour faire... Ah. Ah bah c'est bon, ils sont en train d'arriver, regarde, on les voit courir. C'est pour ça coupe, ça veut dire qu'il est en train de monter. Coupé. Et Marie, regarde. Marie. Tiens, Marie, elle pourrait twerker là devant l'écran. Elle pourrait twerker de fou, ce serait bien dans cet écran. Hein. Merde, ce serait pas mal, tiens, je vais lui proposer. Les leaders, ils vont arrêter de taffer, je crois. Ils vont tourner fou. Merci en tout cas, Caris. Samy. Yes, gros. Alors, ça dit quoi dans le studio? Il y a du monde ou t'es tout seul? Ben, il y a tout seul, c'est moi. Ah, Momo dit j'arrive. Donc ah, bah, écoute, ça va me sauver, tu vois. Tu es rassuré, je pense. Ah, voilà, ça change tout. Non, mais Djifoul est là, il arrive à l'instant. Ouais, je les ai vus, ça. Suffit de demander, j'arrive. Ah bah voilà. Il est là. Bientôt. Ah là, c'est bon, ça met le casque. C'est bon, et c'est parti pour la Radio Libre 0153. Bon, ben non, on est prêt, ça y est. Oui, mais je suis en train de rappeler le numéro. Fredo demain, le retour. Le retour demain avec Caris, en pleine forme. Hop, il branche son casque. Ah, je suis bon, il me disait, t'as un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'entends, je branche mon casque, je sors mon sac. Ça, c'est comme quand t'arrives en retard en cours, tu fais. Et tu te mets discrètement dans un coin. Discrètement, t'arrives, je dis, ouais, ils vont pas sauf que là, tout le monde t'a cramé. Ouais, tout le monde t'a cramé. Oui, là, je suis cramé, ouais, là, c'est clair. Aïe, on est là. Eh ben. C'était une mission, non? Mission, mais tout est possible là, sur Skyrock. Ouais. Mission possible ce soir. Mission possible. Bon, vous êtes prêts pour Florida Robin Tick, vous êtes prêts pour la fouine? Yes. Eh ben, on est prêts, on aura de nouveau la fouine à découvrir. Ah, ça, c'est de la chance. Hein. Et des surprises pour lui ce soir, attention. J'ai envie de le découvrir, moi. Eh ben, tu ne bouges pas, Fred. Je bouge pas. Et nous, on sera là demain 20h pour Caris. Merci, Caris. Ah ben, il est parti, là. Merci, Fredo. Je suis désolé, il est parti. Eh ben, merci à vous, nous, on arrive. C'est parti pour la Radio Libre 01 53 40 30. Ciao, à demain, Fred. Skyrock t'offre la tournée du nouveau.